Les bienvenus dans les progressions avec Dieu. Bienvenue dans les progressions. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons Dieu qui nous permet d'être là et de continuer à apprendre de lui. Il nous a fait grâce en 2019 et il continue à marcher avec nous. C'est notre année de mes progressions dans sa gloire. Mes progressions dans sa gloire. Alléluia. Qui a été au réveillon, je peux voir. Qui n'ont pas eu la grâce d'être au réveillon la semaine, levez bien la main. Ce n'est pas une culpabilité, levez bien la main. Ok. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, nous voulons vous rappeler que cette année est pour nous, de la part de l'Éternel, l'année de non-progression dans sa gloire. Nous allons progresser dans sa gloire. Dans sa gloire. Alléluia. Et le Dieu qui lance une parole, il s'organise pour l'accomplir. Et donc, tu vas vivre les avancées irrésistibles de l'année passée, mais pour cette année, c'est la phase de progression. J'ai dit au réveillon que du fait que Dieu nous a amenés en 2019 à expérimenter comment être irrésistible, l'irrésistibilité est devenue un acquis. Et à partir de cet acquis-là, nous pouvons maintenant progresser. De même que après avoir montré à Moïse que personne ne va te résister, il lui a montré que son bâton va faire les miracles, sa main va produire des signes, et Moïse a accepté la mission. Moïse n'est pas resté au buisson ardent pour jouir de son irrésistibilité, je ne sais pas, contre les serpents ou contre les loups ou quelque chose. Il fallait qu'il progresse dans l'objectif. Il est parti prendre sa femme et ses enfants et ils ont commencé le voyage. Alléluia. Nous avons acquis l'irrésistibilité. Tu es irrésistible. Tu peux m'aider à dire à ton voisin, tu es devenu irrésistible. Convainc-le. Ce n'est pas suffisant encore. Convainc-les. Maintenant, ajoute. Maintenant, avance. Progresse. Maintenant, progresse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais partager sur un court sujet. Portrait d'une vie remplie de la gloire de Dieu. Du fait que nous progressons dans sa gloire, nous allons beaucoup enseigner sur sa gloire, afin que nous comprenions, nous progressons dans quoi. Si je dis progresse dans les richesses et tu ne sais pas les richesses c'est quoi, tu ne sauras pas progresser en fait. Mais si tu comprends les richesses, c'est quoi, alors tu viens progresser dedans. C'est pourquoi nous allons beaucoup parler de la gloire, de la connaissance de Dieu cette année, parce qu'il faut que chacun de nous s'inscrive en profondeur, s'intensifie en profondeur dans la connaissance de Dieu. Indispensable pour la progression. Si tu ne comprends pas ce que Dieu est, si tu ne comprends pas la gloire de Dieu, tu ne sauras pas progresser. Il faut apprendre à connaître ce Dieu, apprendre à connaître sa gloire, alors tu sauras progresser dans sa gloire. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. On vous a remis une carte de vœux à l'entrée. Tout le monde a eu ça? Pas encore. Ok, on va y revenir. Portrait d'une vie remplie de gloire. De la gloire de Dieu, prenez quelques textes. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Éphésiens 3, 18 à 21. Psaume 18, 2, 3. Et psaume 1, 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Ok, vous avez les textes par là. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Et nous allons le lire ensemble. Si tu veux m'aider à lire, tu vas te lever. On va lire solennellement. C'est l'un des textes, de nos textes de l'année. Le texte de base de notre thème. On peut le lire de manière solennelle. Alléluia. Vous êtes prêts? Celui qui a la Bible lit dans sa Bible. Si tu n'as pas la Bible, tu lis au tableau. 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous allons progressivement de gloire en gloire. Mais il y a un travail précédent. Si nous contemplons, nous contemplons quoi? On contemple quoi? Les visages découverts. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Mais on la trouve où la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur, on la trouve dans les Écritures, la Révélation. On la trouve dans ses ouvrages. C'est-à-dire, il est écrit les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance se voit comme à l'œil nu quand nous le contemplons dans la création, dans ses ouvrages. Et Paul va même le dire, ils sont inexcusables. Si après avoir vécu dans un environnement qui illustre la gloire de Dieu en permanence, nuit et jour, et tu rates le salut, tu rates la vie, tu es inexcusable. Inexcusable. Tu es inexcusable. Et donc la gloire de Dieu, nous la lisons aussi dans l'histoire. Et la gloire de Dieu, nous avons dit, c'est tout ce que nous connaissons de Dieu et ce que nous ne connaissons pas. Car il est infini, on ne peut pas connaître tout ce qui est caché dans l'infini. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisons le deuxième texte. Éphésiens chapitre 3, verset 18 à 21. On peut y aller. Un, deux, trois. Puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Alléluia. Alors, retenez d'entrée de jeu ceci. On progresse difficilement dans ce qu'on n'aime pas. Vous êtes d'accord avec moi? Tu auras difficile à progresser dans quelque chose que tu n'aimes pas. J'aime pas. Des gens au plan social et humain, tu ne sais pas progresser avec ce frère dans les fiançailles parce que ça ne décolle pas. Il arrive même que certains s'éteignent. J'ai vu un frère dans le passé, il vient me voir, papa. J'ai dit, maintenant la sœur, vraiment, alléluia. Donc, oh, j'ai dit, waouh, on a prié. Après, je crois, quelques semaines, il revient et dit, papa, je ne sens plus rien. Oh, je ne sens plus rien. Oh, comment c'est parti où? Oh non, en tout cas, je ne comprends pas. J'étais vide. Ça s'est volatilisé. Alors tu vas faire quoi? En tout cas, il faut m'aider. Parce qu'il m'avait déjà présenté la sœur. Je vais t'aider comment? Je ne sais plus progresser. Parce que j'aime plus. Je l'aime plus. Alléluia. Vous savez, même dans le plan des études, on progresse facilement dans un cours qu'on aime. C'est vrai? On progresse facilement dans le cours du prof qu'on aime. Si tu n'aimes pas ce prof, tu n'aimeras pas ce cours. Et donc, tu vas échouer dans ce cours. C'est vrai? Lorsque le prof que tu aimes entre en classe, ton esprit s'ouvre. Tu médites sur lui. Il est bien habillé. Mais lorsque le prof que tu n'aimes pas entre en classe, ton esprit se renfrogne. Et tu deviens blindé contre le cours. Vous avez compris? Tu es blindé contre le cours. Il a beau expliciter, expliquer, revenir dans les points, dans les chapitres. Toi, tu es blindé contre lui. Il en est de même dans l'église aussi. Quand tu aimes les pasteurs, comment ça se passe? Lorsqu'il apparaît devant, qu'est-ce qu'il sent? Ton esprit s'ouvre. Et tu veux l'écouter attentivement. Même la moustique peut te piquer, tu ne sauras pas. Le voisin va juste constater que la moustique est devenue rouge. Et il va te frapper. En fait, ton esprit s'est ouvert envers ce que tu aimes. Ce que tu aimes. Paul dit, quand nous contemplons sa gloire, pourquoi la contemplons? Pourquoi nous la contemplons? parce que nous aimons sa gloire. Nous aimons la gloire de Dieu. Alors nous contemplons la gloire de Dieu. Si tu ne connais pas, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne sauras pas aimer la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans les grâces insondables, Dieu nous a mis à cœur de partager sur cela. Attire Dieu et sa gloire dans ta vie. Attire Dieu et sa gloire. Et nous avons vu deux grandes facettes de la gloire de Dieu. Premier slide. Dieu, ou la gloire de Dieu dans son être, en lui-même, dans ce que Dieu est. Et nous avons vu que Dieu pèse, parce que gloire, nous avons vu que ça veut dire kabod en hébreu et doxa en grec, ce qui a presque la même signification. Kabod comme poids, comme le poids de la personne de Dieu. Et le poids de la personne de Dieu, le poids de l'être de Dieu se manifeste dans son être, dans sa personne et dans sa puissance. Et nous avons vu en détail ces choses pendant longtemps, plusieurs jours. Nous avons vu que l'être de Dieu se révèle par son infinité, sa déité, sa souveraineté ou son indépendance. Nous avons vu que la personne de Dieu, c'est là que nous avons l'opportunité de nous brancher avec Dieu, parce que c'est là, au niveau, dans la facette de sa personne, que nous obtenons l'interaction avec les humains. C'est par là que Dieu a imaginé qu'il fallait qu'il crée un être humain. C'est dans la personne de Dieu qu'il a dit, il faut que je crée l'univers. Et puis, je vais créer un être humain. Dans sa personne, là où nous avons son cœur, nous avons ses desseins. Il a eu le dessein de te créer dans ta famille, pas dans la famille d'un autre papa. Les desseins, nous avons dans sa personne son caractère, sa personnalité. Et nous avons dans sa puissance, si ça se révèle, la gloire de Dieu se révélant dans sa puissance, elle se révèle par ses ouvrages, ses œuvres. Aussi, la création et l'existence. Ces choses révèlent le poids de Dieu en lui-même, c'est-à-dire indépendamment de la création, indépendamment de nous. Avant que la création arrive, avant que le même Dieu engendre l'existence, libère l'existence, il était déjà comme ça et éternellement. Et je vous ai expliqué, c'est éternellement comme l'absence du temps, parce que le temps commence avec la matière. Dieu a existé dans l'absence du temps. Et l'absence du temps révèle mieux ce que c'est que l'éternité. Le temps s'arrête. Avant que le temps commence, il y avait une période où le temps n'existait pas. Et Dieu était là. Jusqu'à ce qu'il a imaginé, conçu l'idée de libérer l'existence. Et quand il a libéré l'existence, le temps a commencé. Et dans cette existence, quand il a libéré la matière, eh bien, c'était possible de commencer à compter 1, 2, 3, 4. Buona sfiwe. J'aimerais revenir encore et encore sur cela jusqu'à ce que ça devienne une conscience en toi et en moi. Dieu est puissant. Dieu est suffisant. Dieu est grand. Lorsque vous lisez ses attributs, on dit El Shaddai, El Olam, Sabaoth, tous ces attributs-là ne sont que des aspects de la capacité de l'homme de lire ce que Dieu est. Quand nous disons Jéhovah Shammah, c'est-à-dire le Dieu qui guérit, c'est par rapport à la facette d'un besoin d'un homme. Et c'est trop petit comme facette. Le Dieu tout-puissant, lorsque les écrivains de la Bible, lorsque les hommes de Dieu dans les Écritures pouvaient exprimer un certain nombre de choses en termes de Dieu tout-puissant, en fait, c'était par rapport à leur petite capacité de s'étonner des choses qu'ils voyaient autour d'eux, c'est-à-dire les ouvrages. Ils voyaient les ouvrages des dieux et ils se disaient, waouh, qu'il est tout-puissant celui qui a fait ça. Or, ça aussi, c'est trop petit. Parce que c'est à la mesure de ce que cet homme-là était capable de voir, de percevoir, d'attraper. Dieu est donc infini, indescriptible. Mais dans sa personne, il désire venir interagir avec un être humain. Et quand il conçoit l'homme, il le conçoit à son image. C'est-à-dire, il conçoit un homme qu'il désire être un homme véritable, un homme de son calibre. Quand nous chantons « Tout ce qui fait ta taille est à ta taille, tout ce que tu fais est à ta taille. » Hein, c'est comme ça? C'est ça. Hein? Tout ce qu'il fait est à ta taille, à sa taille. À sa taille ou à ta taille? Ok. Vous voyez, même quand je peux considérer que Dieu a une taille, c'est par rapport à ma petite capacité de ma petite tête. Quelle est la taille de Dieu selon ta petite tête? Il y a des déficits. Si quelqu'un a une plus grande tête et qu'il exprime ce que c'est que la taille de Dieu, et toi tu exprimes la taille de Dieu, ça ne sera pas la même chose. Mais comment comprendrais-je la taille de Dieu si je n'ai pas pris le temps de méditer sur ce que je connais? J'ai dit une fois aux jeunes, ici, dans la conférence de Forelli, que nous disons que notre éducation nationale a des difficultés. C'est vrai, mais il faut aménager, améliorer. Mais alors, même les petits programmes qu'on a là, comment nous les maîtrisons? Le peu qu'on vous donne à l'école là, est-ce que vous maîtrisez ça? Est-ce que vous êtes des bons étudiants de telle sorte que le peu que l'enseignant vous a donné, vous avez maîtrisé et ça vous donne comme un escalier pour être capable d'aller même vous-même faire des recherches et attraper les compléments que l'enseignant ne connaît pas? N'est-ce pas que quelquefois, les enseignants enseignent, mais ils ne connaissent pas tout. Il y a des élèves parfois qui surprennent leurs enseignants. Ils posent une question, oh, l'enfant a lu ce que tu as enseigné hier, il est parti développer et il revient avec une question. Toi, l'enseignant, tu n'as jamais développé. Et te frappe la question, tu deviens rouge et tu te fâches contre lui. Allô? La capacité de connaître Dieu passe par la méditation. Là, dites à ton voisin, il dit la méditation. La méditation. Allons dans Psaume. Psaume, chapitre 1er, versets 1 à 3. Psaume, on va revenir. Psaume 1 à 3, on peut y aller ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans l'autre version, il est écrit, il ne se met pas sur le banc des moqueurs. Sur le banc des moqueurs. Mais qui fait quoi? Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et dans le feuillage se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Pourquoi tu parles comme ça, David? C'est ça mon secret. Pourquoi, David, tu es si grand? Tout le monde s'étonne. Tu étonnes. Tu écrases tout le monde. Quel est ton secret, David? Je médite sur la loi de l'Éternel. Quand je médite sur la loi de l'Éternel, l'Éternel en question devient grand en moi. L'édit éternel là, quand je médite sur lui, il devient grand dans mon esprit. Je le découvre, je le connais, je progresse dans sa connaissance. Et quand je progresse dans sa connaissance, voici le résultat. Je suis comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. C'est-à-dire, mes racines plongent dans une terre arrosée, fertilisée. Un courant d'eau, ce n'est pas un courant d'eau salée, c'est un courant d'eau douce qui amène les limons qui viennent des montagnes, qui viennent du Katanga et qui descendent à Kindu. Et ça monte à Kisangani, ça va à l'équateur, ça arrive à Kinshasa et ça descend dans l'océan. L'eau douce, ça amène la vie. Et mes racines puisent. Mes racines plongent en profondeur. On peut entrer en détail avec ça. Voyez là, qui est planté à côté de courant d'eau. Ce courant d'eau rafraîchit la terre de telle sorte que les racines peuvent entrer plus facilement. La terre n'est pas crue, n'est pas dure. La terre est amollie par le courant d'eau et j'y plonge mes racines et je puise abondamment. Je puise quoi? Je puise la vie de Dieu dans les Écritures. J'épuise la vie de Dieu. J'épuise le nécessaire. Dans Éphésiens 1, 19, il est écrit, il remplit tout en tous. Il a donné Christ comme chef suprême à l'Église. Et ce chef suprême, Christ, remplit tout en tous. Il remplit tout en tous. Alléluia. Il remplit tout en tous. Mais il remplit qui? Les gens qui sont auprès du courant et qui plongent leurs racines dans la méditation. Par la méditation. Par la méditation, ils plongent leurs racines dans la vie. La parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. La parole contient la vie. La parole est la source de la vie. La parole, la parole, la parole. Il est comme une plante, un arbre. Et cet arbre donne ses fruits à sa saison. Les arbres comme ça portent des fruits juteux. Des fruits, des gros fruits. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie, à partir de ce matin, va commencer à porter des fruits juteux. Des gros fruits. À la mesure où tu vas plonger tes racines dans le courant d'eau. Le courant d'eau. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. David dit, il la médite jour et nuit. Remets un peu le premier slide. Si je médite jour et nuit sur l'être de Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Dieu va devenir de plus en plus réel dans mon esprit. Et lorsque je dirai au nom de Jésus-Christ, je saurai de quoi je parle. Si je médite jour et nuit sur la personne de Dieu, les cœurs bons, même quand j'ai été criminel, mais j'ai médité sur le cœur de Dieu, ne vous étonnez pas que je vous précède au ciel. Parce que j'aurai découvert le cœur bon de Dieu. J'aurai découvert comment ce Dieu-là, il peut comprendre un être humain. Il peut pardonner. Et il a même dit, j'oublierai vos péchés. Et pendant que toi, tu boudes au fond, tu vas voir un monsieur comme Kulu Kangal alias Django courir devant pour se jeter dans les bras du Seigneur. Il a médité sur le cœur de Dieu. Il a découvert que ce Dieu-là est gentil. Ce Dieu est compréhensible. Ce Dieu, oh, oh. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il médite jour et nuit. Le fait de méditer jour et nuit fait de cette personne comme un arbre qui est bien placé. Les racines entrent dans l'eau. Les racines prennent les limons. Les racines prennent les éléments nutritifs. Les feuilles sont vertes. Vous voyez? Un feuillage qui ne se flétrit pas. Et Apocalypse dit que cet arbre de vie, son feuillage, guérit les nations. Ce qui se passe avec toi peut commencer à guérir les gens qui sont autour de toi. Mais d'où ça commence? Il médite jour et nuit. Vous méditez sur quoi? La plupart des temps, nous méditons sur nos souffrances. Hein? Regardez cette jeune fille qui était sûre d'elle et puis il y a un bouton qui vient de naître. Le bouton devient son objet de méditation. Elle médite jour et nuit sur ce bouton. Elle est devant son glace. Elle voit. Il m'a payé pour y avoir pire. Bachaouya, banakouya ni arbichia beauté ango. Bon, on a médité kubi tu gani. Tu médites sur quoi? Nous passons le temps à méditer sur quoi? Des convoitises. Nous méditons sur quoi? La jalousie. Oh, moi taou les mama yé yé. Nous méditons sur quoi? Ce sont les choses auxquelles nous méditons qui vont pénétrer en nous. Plus tu médites sur tes souffrances, plus tes souffrances vont s'approfondir. En fait, tu vas prendre la substance de la souffrance et va entrer en toi. Quand tu médites sur Dieu, sur sa parole, la substance de la parole va monter en toi. La vie de la parole va monter en toi. Quand tu médites sur ta souffrance, la vie de ta souffrance va entrer en toi. On attaque à Ninisas. On attaque à Nin. Il faut faire un choix ce matin. Nous sommes le 5 janvier. Quels sont les sujets de tes méditations? Tes misères. Tu médites sur les misères de ta famille. Je suis le premier qui a eu le diplôme de licence. C'est ça ta méditation. Tous mes frères, ils ne parlent pas ta licence. Ils ne sont pas. Parce que les esprits qui empêchaient les gens d'avoir les licences dans ma famille, donc tous ces esprits sont sur moi maintenant. Qui t'a dit qu'ils sont sur toi? Pourquoi tu ne médites pas contrairement, plutôt sur le Dieu qui m'a permis d'émerger parmi tous ceux qui ont échoué? Alléluia. Le Dieu qui m'a permis d'émerger parmi tous ceux qui ont échoué dans ma famille va aussi m'amener dans le pas suivant. Il va me donner du bon travail. Je serai une bénédiction pour tous ceux qui ont échoué dans la famille. Pourquoi tu ne médites pas comme ça? Lorsque tu médites de la sorte, la substance de cette méditation entre en toi. Entre en toi. Nous avons pris l'habitude de méditer sur les propositions que le diable nous donne. Et le diable est tellement content dans cette affaire-là. Il nous propose les misères. Et quand il constate que l'Éternel a pris un peu de temps pour nous exaucer, il vient là-dedans et il dit, hey, toi là, tu penses que ce Dieu-là va t'exaucer? Ça fait une semaine. L'homme de Dieu a proclamé sur toi. Mais Ikoapi. Et tu commences à méditer sur Ikoapi. Ikoapi. Mungu Baba. Bono Lisema. Ça c'est Ikoapi. Ikoapi. Et la substance du Ikoapi entre en toi. Et ça bloque tout. C'est Mungu nana ongea ongea kisha atendaki. Oh. Mungu unacheza na Mungu eh? Et quand le pasteur recommence et il partage sur ça, te dit on a passé à nanza j'y répéter. Si Dieu veut qu'on a médité à quoi pas. Asse passé à j'y répéter. Tulisha sikia ile tuendelee. Si taendelea kama hayaingia, uanze kuimeditate. Il n'a pas ingié. Écoutez-moi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, tu auras la substance où? De quel autre Dieu? Je vous ai dit la fois passée, Dieu a dit que les dieux qui n'ont pas créé les cieux et la terre partent de ma terre, de mon ciel. Où est ton Dieu? Et nous avons tout intérêt de passer même toute notre vie sur ce sujet. Parce que qu'avons-nous de plus? Tu vas aller où? Même Satan est concerné par la phrase que l'Éternel prononce. Si tu n'as pas créé les cieux et la terre, sors de mon ciel, sors de ma terre. Ah, ok, Satan, on a semané. Nao, on a semané. Tu lises Shetan, Shetan, nao, on a semané. On lui crée ciel et la terre, vas-y. Ça, c'est surtout que Moubiabatu. Quitte les affaires d'autrui. Maintenant, nous avons la grâce d'avoir le vrai Dieu. Méditons sur lui. Amen. Méditons sur son être. Méditons sur sa déité. Je vous ai dit, sa déité, c'est son mystère. C'est-à-dire, Dieu signifie mystère. J'ai un mystère. Frère, tu es fort lorsque tu connais ce que tu peux connaître de moi. Mais tu es faible lorsque tu n'es pas capable d'accéder au mystère qui est en moi. Amen. Et mon mystère, c'est Yahweh. Amen. Tu peux tout faire. Tu peux faire des plans pour m'éliminer, pour me faire tomber, pour faire quoi que ce soit. Mais tant que tu n'as pas maîtrisé mon mystère, Yahweh. Hakuna kitu. Auta pita. Tu vas faire des plans, comme les gens font ça actuellement, ils envoient des filles au bureau des pasteurs. Tu peux faire tout ça là. Mais ta fille, là, va arriver au bureau et le pasteur n'est pas là. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Et puis, vous savez, on n'est pas obligé de tomber. Oh. Est-ce qu'on est obligé de tomber? Oh, parce qu'il y a tout ma fille yake, donc pasteur est obligé quoi? Qui t'a dit que nous sommes obligés de tomber? Tu peux envoyer tes filles et ça passe. Hein? On les regarde comme bouchafoué, toka bouchafoué. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Il est Dieu. Et je veux méditer sur lui. Je veux méditer sur Dieu. J'ai médité sur lui. Il est tout puissant. Nous sommes limités à chanter ce que Dieu est sans méditer sur ça. On peut chanter, il est tout puissant, il est tout puissant, il est tout puissant. Mais est-ce que tu comprends ce que tu chantes? On peut dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, comme on applique partout, au nom de Jésus, j'applique au nom de Jésus. Mais tu n'as pas médité ce que c'est. Ça ne fera rien. Oh, les montagnes chancelleront. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Tu n'as pas médité sur ça. Jusqu'à prendre la substance de cette parole-là. Et ça reste une parole morte. C'est une parole vide. Seigneur, il est écrit que nous chasserons les démons. Il est écrit que nous dirons à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans les mains. Au nom de Jésus, ôte-toi de là, jette-toi dans les mains. Là, la mer et la montagne dit, on a ongé à Ninoué. On a Nidjou. Les montagnes boudent. Pourquoi? Nous n'avons pas médité jour et nuit sur la chose, de sorte que la chose nous donne, nous libère sa substance. Sa substance. Je vous ai déjà dit, nous sommes ce à quoi nous méditons. Nous sommes les principes avec lesquels nous vivons. Nous sommes les vérités que nous avons fait amener dans notre esprit. Si dans ton esprit, la vérité Dieu n'est pas abondamment dedans. Paul dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Abondamment, abondamment. Pour faire quoi? Parce que quand je la médite, cette parole me donne sa vie. Il est écrit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Esprit et vie. Lorsque je médite sur la parole, je médite sur la vie. Et la vie entre en moi. À la mesure que j'en médite, et le texte que nous avons lu, 2 Corinthiens 3, 18, plus nous contemplons sa gloire, plus nous méditons sa gloire, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. De gloire en gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Plus nous méditons sur sa gloire, nous sommes transformés en la même gloire. Plus nous méditons sur la personne de Dieu, nous sommes transformés en la même image de Dieu. Et la parole que Jésus prononce, n'avez-vous pas lu que vous êtes de Dieu? Quand est-ce que nous deviendrons comme des dieux si nous n'avons pas médité sur Dieu? Il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi nous mourons comme des hommes? Parce que nous n'avons pas médité sur Dieu. Et cette gloire de Dieu, nous avons dit, deuxième slide, qu'elle peut descendre dans notre vie. Lorsque Moïse dit, mon Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire que ta gloire vienne dans ma vie, cette gloire-là descendra dans notre vie et se manifestera par sa présence, sa faveur et sa dotation. Qui dit sa présence? La présence de Dieu va se révéler dans ta vie par une autorité qui naît en toi. Est-ce que j'ai médité sur la présence de Dieu? Plus je médite sur la présence de Dieu, l'autorité de Dieu se distille en moi. Le respect, j'inspire respect. Les gens qui sont autour de moi constatent qu'ils me respectent. Et ils se demandent, t'as respecté Ponanine? En fait, j'ai planté mes pieds, mes racines dans la présence de Dieu, au point que la présence de Dieu a déjà distillé en moi du respect. Tu veux qu'on te respecte? Médite sur Dieu, médite sur sa présence, afin que sa présence devienne une réalité dans ta vie. Tu veux être victorieux dans la tentation? Médite sur la présence de Dieu. Si Dieu est présent, si c'est Dieu qui remplit mon cœur à ce moment et que tu amènes ta tentation, je fais quoi avec ta tentation? Elle est sans effet? Je parle à quelqu'un. Ta tentation va être sans effet. Elle ne signifiera rien à mon esprit. Parce que je suis tellement conscient de la présence de Dieu. Lorsque Ananias et Saphira amènent leur rapport, voici l'offrande, on a vendu notre parcelle, voici l'argent. Pierre dit, tu dis quoi? C'est ça l'argent? Il dit oui. Il dit, mais pourquoi tu mens à l'Esprit de Dieu? Alors, où est l'Esprit de Dieu? C'est Pierre l'Esprit de Dieu? Il est où l'Esprit de Dieu? Et puis, Pierre, et puis Ananias, pan, il meurt. La présence de Dieu est intense dans ses bureaux. Je ne sais pas si Pierre était dans ses bureaux. Il y a Koupoké à mon Masadak. Dans le temps. Et puis Pierre n'était pas gentil. Il dit, ah, le moyen de mon musique. On est allé l'enterrer. Mais sa femme ne savait pas. Parfois, le leadership, l'administration de Pierre était difficile. Et lorsqu'Anania vient, sa fille vient, il lui pose la question, vous avez vendu votre chien, vous avez amené l'offrande, combien? Autant. Hein? C'était ça le prix? Il dit oui. Les gens qui ont enterré ton mari viennent d'arriver dehors. La femme aussi, pam! La présence de Dieu est terrible à cet endroit-là. Mais qui a invité la présence de Dieu? Pierre. Il est tellement conscient que Dieu, avec, quand il se présente devant le paralytique à la porte, la belle, il est tellement conscient de la présence de Dieu et des dotations. Vous voyez, dotation. Il est conscient des dotations de Dieu en lui que... Il dit à ses paralytiques, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, allez, regarde-moi. Et puis il les regarde. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre, on a koufani. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et puis les gars, ne comprend pas. Et Pierre, qui est tellement conscient de la présence de Dieu et des dotations en lui. Il dit, waouh, qu'on a élé, waouh. Ah, si maman. Et les gars, ils sentent caca. Et puis, il commence à sauter. Il est dit, il entra dans le temple, sautant, chantant, et louant Dieu. Et c'est ce jour que cette guérison provoque 5000 conversions. Waouh! Qu'est-ce qui. Ça commence par où? Il y a un monsieur qui a médité sur la présence de Dieu. Il a pris la sève. Il a pris la sève de la parole. Il a encaissé. Et puis il est parti au service. Alléluia. Il a encaissé la présence de Dieu. Quand il marche, c'est Dieu qui marche. Il a encaissé les dotations de Dieu. Quand il se présente devant un besoin, les dotations sont disponibles. Quand il dit, oui, kamata, anakamata. Oui, peleka, anapeleka. Les dotations sont disponibles. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard que Dieu t'a amené ici. C'est pour que tu entendes ça. Parce que Dieu a des objectifs à toi cette année ici. Il veut faire avec toi. En fait, Dieu cherche, il est écrit, il parcourt la terre de son regard pour essayer d'attraper quelqu'un qui comprend. L'Éternel parcourt la terre de son regard pour appuyer, pour soutenir tout celui dont le cœur est tout entier à lui. Les gens qui ont le cœur tout entier à Dieu méditent sur Dieu. Nous n'avons, malheureusement, dans notre société, on a le cœur tout entier à Dieu pour mendier. On appelle à Mungu, Dio, bas, si un jota ni pas bon, bas ni fanya, bas. Y a un jota ni pas. Quelqu'un a chanté Mungu, jota ni pas. Dieu, tu le prends comment? Nous prenons Dieu comment? Nous cherchons Dieu avec une attitude trop élémentaire. C'est trop bas, quoi. C'est élémentaire, là. On peut avoir Dieu dans la dimension la plus élevée. C'est pourquoi je parle du portrait de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne. Regardez ce David. Regardez-le, David. Dans ce psaume, tout ce qu'il fait lui réussit. Demande à ton voisin, est-ce que ça, c'est possible pour toi aussi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce que je peux vivre sans moi aussi? À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à le vivre. Dans la mesure où tu t'inscris à méditer sur ce Dieu. Et cette année, si tu peux te donner le devoir de méditer sur Dieu jour et nuit, à la fin de 2020, tout à coup ça, on va t'oublier. Enfin, on ne saura plus te reconnaître. Tu seras surpris que tout ton village vient, la ville, le quartier, ils te cherchent. Parce que les êtres humains, les situations cherchent quelqu'un qui a Dieu. Même les gens qui ont des besoins, ils cherchent qui a Dieu. Dieu, tu es où? On te cherche. Jésus dit à toutes ces foules, vous ne me cherchez pas, vous avez mangé hier. Et puis il leur dit, il faut me manger. Celui qui ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle. Et puis ils sont partis. Vous voyez ça? Ils ont disparu. Et puis il dit aux apôtres, vous aussi, vous ne partez pas. Et Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui a quoi? Les paroles. Il n'a pas dit tu as la vie, il a dit tu as les paroles de la vie. C'est-à-dire, nous avons déjà commencé à méditer sur ce que tu dis. On a déjà commencé à méditer sur Dieu. On va aller où? Et si nous allons ailleurs, qu'est-ce qu'on va trouver ailleurs? On va trouver que mensonge, duperie. Le diable dupe beaucoup de gens. Cesse d'être dupé. Le diable te trompe. Il n'a pas grand-chose à te donner. Et même s'il doit te donner quelque chose, il prendra des affaires que Dieu a préparées pour te donner. Et il va prétendre que c'est lui qui te donne. Chaque fois que le diable te donnera quelque chose, posez-lui la question, tu as créé ça quand? Tu as pris ça où? Et ta coup pick up coffee. C'est ouais. Parce que tu vas toucher aux fibres sensibles. Ah, c'est petit, s'il connaît. Ah, c'est papa connaît les choses, il connaît. Il va te frapper. Parce qu'il sait qu'il n'en a pas, il n'a pas créé. Il a juste pris quelque part et t'a donné. Alléluia. Le portrait d'une vie remplie de la gloire de Dieu. Nous sommes dans le cas de David. Et David nous révèle où est-ce qu'il a tiré cette capacité-là de réussir en tout. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et le même Yahweh dit à Josué. Médite jour et nuit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Quoi? Je fais quoi, moi, Josué? Je fais quoi? Médite. Et David dit quoi? Celui qui réussit en tout, fait quoi? Il médite jour et nuit. Quelqu'un a-t-il une Bible? A-t-il une Bible? Je peux voir vos Bibles? Ok, vous avez fait les statistiques? Levez bien vos Bibles. Faites les statistiques. C'est combien de pourcents de Bibles dans la salle? Ok, ceux qui n'ont pas de Bible, levez la main. Vous avez les Bibles dans les téléphones. Alléluia. Alléluia. C'est quand même bien d'avoir la Bible par écrit, là, la Bible papier, c'est bon. La technologie, elle est bonne, mais aussi. Regardez. Le fait que David a compris ces choses amène David à parler de la manière suivante au chapitre 18, psaume, versets 2 et 3. Les paniers des offrandes vont commencer à passer. Le fait que David a médité sur Dieu et il a pris les substances qui sont en Dieu en lui et que tout ce qu'il fait lui réussit, regardez ce que David exprime. On peut les lire ensemble? 1, 2, 3. Tout ça, mais ça va, David. Allons-y, 1, 2, 3. Ça, c'est quelle version? Dans ma version, il est écrit « Je t'aime hein? ». Lui n'a pas mis ça. Hein? Oui, j'ai dit verset 2 et 3. Verset 2 et 3. Vous pouvez y aller, verset 2 et 3? Attends. David, pour avoir médité sur Dieu, quelle est son attitude envers Dieu? Il aime. Je vous ai dit au début, quand j'aime le prof, hein, je fais comment? J'ai réussi dans son cours. Lorsque j'aime l'Éternel, j'ai réussi en tout. Vous ne me captez pas, hein? Quand j'aime le cours, j'ai réussi dans ce cours. Quand j'aime l'Éternel, j'ai réussi en quoi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et le degré de la gloire de Dieu dans la vie de David, il le révèle dans ce verset. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ça là, ce sont des produits de la méditation. Dieu n'est pas venu dire à David, allez David, dites mon rocher. Et David dit mon rocher. Apana. David, méditant sur ce que Dieu est, l'être de Dieu, méditant sur ce que Dieu est, sa puissance, ses œuvres, a fini par déduire ces phrases que nous lisons. La substance que David tire de tout ce qu'il médite sur Yahweh vient s'installer dans son cœur comme des phrases, comme des images, comme des réalités. On peut faire combien de mois pour méditer sur le verset 2 et 3? Allô? Regardez. Je t'aime, ô Éternel. Et tu commences à méditer sur le ô Éternel. Et tu ouvres le Éternel là. Je suis celui qui suis. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez combien de mois déjà vient de se passer? Celui qui était, comment il était. Celui qui est, comment il est. Celui qui vient, comment il vient. Je suis encore dans ô Éternel. Je suis celui qui suis. Ah, ça veut dire quoi? Je suis celui qui suis. Je médite sur ça. Méditer signifie réfléchir sur un sujet plusieurs fois. Donc déjà le verset 2 et 3, ça peut te prendre 6 mois de méditation. Et plus tu médites, plus la substance de ce contenu devient une partie de ta vie. Et quand ça devient partie de ta vie, la présence du Dieu auquel tu médites devient une réalité avec toi. De sorte que même le monde des ténèbres commence à repérer que là, il ne faut pas y aller. Il y a du feu. Vous avez entendu ce genre de choses, non? Et que les sorciers viennent et disent, ah, Tozongi. Et le chef leur dit, Bozongi ponanin. Ah, Tokuta ki moto. Hein? Si vous avez besoin de si vous avez besoin de moto, ah, moto enyeo. Haïko sa moto ya uku. C'est du feu importé. C'est importé du ciel. C'est importé. Un jour, Élie veut être attrapé par un roi. Et le roi, là, lui envoie ses troupes, 50 hommes de guerre, aller prendre Élie parce qu'il est en train de déranger mes choses dans le pays. Et la première troupe des 50 arrive. Ils disent, Élie, descends. Le roi dit, descends. Il dit, Élie, homme de Dieu. Le roi dit, descends. Et Élie le prend au mot. Il dit, ok, vous avez dit homme de Dieu, c'est d'accord. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous dévore. Et puis le feu, pian, et le dévore. Tous les 50. Et on amène à l'ouvel au roi. Et le roi est tellement persévérant. Vous savez, quand vous êtes dans le mal, le diable vous donne aussi beaucoup de courage malsain. Beaucoup de gens ont échoué dans un péché. Et tu as continué à persévérer dans le même péché. Soit tu en as eu le courage. Tu vas dans le péché et tu rentres en pleurant. Le lendemain, tu repars encore. Tu veux aller pleurer encore? Le prophète Jérémie dit, de là aussi, vous reviendrez les mains sur la tête. Tu vas chez l'ennemi, tu vas revenir les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Et le roi envoie une deuxième troupe. Et dit, Élie, homme de Dieu, le roi dit, descend. Il dit, ah, ok. Si je suis homme de Dieu, regardez. Qu'est-ce que tu as médité, Élie? J'ai médité sur ce que c'est qu'être homme de Dieu. Donc, Dieu et puis moi, son homme. Vous voyez que nous avons trop de sujets de méditation. Si je suis homme de Dieu, ok. Donc, homme de Dieu, d'accord. Dieu est quoi et qui? Donc, je médite sur Dieu et puis je médite sur l'homme du Dieu en question. Donc, si je suis homme de Dieu, il y a des dotations. Vous voyez dotations? Si je suis homme de Dieu, femme de Dieu, il y a des dotations dans ma vie que je dois libérer. Dites à ton voisin, commence à libérer les dotations. On ne t'a pas donné, ne sois pas un dépôt. Beaucoup de gens ont eu des dotations et ils sont juste, se sont limités à de simples dépôts. Mi gisi niko hapa, niko mtoto wa Mungu, niko na makarama hapa. Una makarama basi, ukishula zifanyaga nini? Tuishaona makarama zako wapi? Wewe ni makarama zinajaa tu. Et tes prières c'est chaque jour Mungu ongeza karama. Alishakupatia za kwanza au yezitumikishi. Kisha Mungu ongeza makara. Et puis comme ça, on blague comme ça et on fait passer la vie comme ça. Les dotations que nous recevons, c'est pour les mettre en service. Jésus dit, nous sommes des dispensateurs, c'est-à-dire les distributeurs des dotations de Dieu. Quand Dieu met en toi une dotation, c'est pour que tu sois distributeur. Demande au voisin, tu as distribué depuis quel jour? Ça fait combien de temps que tu n'as pas distribué? Vous savez, quand nous serons au ciel, ce n'est pas prévu qu'on sera dispensateur au ciel. Hein? Parce qu'au ciel, il n'y a plus de besoin. Il n'y a pas de besoin là-bas. Hein? Progresse dans la distribution, progresse dans la dispensation, distribue toutes les prières qu'on a fait sur vous, ont déposé en vous quelque chose, maintenant distribuez, dispensez. Mais pourquoi vous ne dispensez pas? Parce que vous ne savez même pas ce que vous avez reçu. Et pourquoi vous ne savez pas? Vous n'avez pas médité sur ça. C'est nickel. Est-ce que j'ai médité quoi? Quand nous ne méditons pas sur les choses que... Et les disciples, et les disciples de Emmaüs, plutôt de Béré, la Bible dit, ils avaient une attitude beaucoup plus intéressante. Ils écoutaient la parole et ils faisaient quoi? Ils retournaient pour aller relire, pour aller méditer. J'ai observé ceci, les gens viennent de l'église, ils ont écouté ces messages, ils arrivent à la maison, et puis ceci, la machine pour chercher Castano, pour chercher c'est pas qui, pour chercher qui, et pour l'écouter aussi. Et puis il écoute là, Passafien, et puis il cherche un autre, et puis il a écouté, il a très bien prêché, il a prêché quoi? Tu as médité sur quoi? Et qu'est-ce que tu as compris même si c'est qu'on vous a prêché chez vous à l'église? Tu as compris quoi? Tu as médité sur quoi? Tu as retenu quoi? C'est pourquoi les années passent et nous ne voyons rien dans notre vie. Nous lisons la parole à speed. Speed. S'il y a pas de méditation, il y a Subui. On ouvre là, on a dans un programme. Et puis on lit. Seigneur, que sa parole, ta parole soit oui et amen pour moi. Au nom de Jésus, amen. Et puis on est parti. Tu as médité. C'est normal qu'on ne vive rien de la part de Dieu. Nous n'avons pas du temps pour Dieu. Nous avons le temps pour toute chose, toute autre chose. C'était même tout le temps pour le diable, pour s'occuper du diable. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shetani. Unapokea bageni, unakemea kwa mapepo. Bageni marasike kwa mamikuya na mapepo, unazikemea kwanza. Sasa, bageni yako habaku yake na Mungu. Banakuya tu na mapepo tu. Bageni yako bakuyaka na nani? Abo tu ni mapepo tu banakuyanga nayo. Et il n'y a que chez toi où il y a les anges. Où il y a Dieu. Tout le monde, il connaît ma peuple, sauf Way. C'est une anomalie aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le portrait d'une vie remplie de la gloire de Dieu. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il y a des paroles dans la Bible qui sont prononcées sur les gens qui ont la gloire de Dieu. On va exploiter ça prochainement. Mes frères et sœurs, à partir de ce 5 janvier, lèvons-nous, on va prier un instant. La parole vous a fatigué? On peut se lever.